j'ai décidé de vivre. Peut-être que si mon cœur est ivre, je te dirai que je t'aime. Si toi non, ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Je veux que tu le saches même. Si ton sourire merveilleux s'efface à jamais de mes yeux, je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus t'aimer en secret. Et même si je te perds, je serai triste quelques hivers. Puis j'irai mourir dans une autre guerre. Palalam, palalam, palalam. Si toi tu n'avais jamais osé, que toi aussi tu m'aimes en secret. Quels idiots nous serions de brûler dans nos coins comme des cons. Je ne crois pas, j'imagine le râteau, ce vent qui souffle tout là-haut. Et de ta bouche ces mots qui viendront finalement me faire la peau. Je ne veux plus me cacher, je ne veux plus t'aimer en secret. Et même si je te perds, je serai triste quelques hivers. Puis j'irai mourir dans une autre guerre. Palalam, palalam, palalam. Je sais que tu ne m'aimes pas.